Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on se déplace maintenant en Afrique à la rencontre du rhinocéros. Le rhinocéros compte parmi les espèces menacées, mais les mathématiques pourraient bien lui venir en aide. Mélanie Jean va nous expliquer comment. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Oui, à première vue, ça peut être deux sujets qui sont un peu curieux. Oui, on voit pas mieux le rapport. Hein? C'est ça. Oui, je sais qu'il y a une explication à ça. Oui, c'est tout à fait logique, tu vas voir. Ben, en fait, c'est que, juste pour faire un petit rappel, en 2012, l'année dernière, le massacre de rhinocéros pour sa corne qui a des effets soi-disant curatifs, bien, a atteint un total de 668 bêtes contre seulement 448 sur l'ensemble de l'année 2011. Donc, il y a eu 668 rhinocéros qui ont été tués par des braconniers seulement pour leur corne. Et de ce nombre-là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plus de 60% de ces rhinocéros-là qui ont été braconnés dans le parc national Kruger. Mm-hmm. C'est la plus grande réserve naturelle d'Afrique du Sud qui a à peu près 2 millions d'hectares. Oui, puis ça fait drôle pour un parc national de se faire braconner à l'intérieur aussi. Oui, vraiment, mais tu vois que certaines choses nous laissent douter que peut-être des gardes seraient impliqués. Ah. Donc, le rhinocéros a frôlé l'extinction carrément là, au 19e et 20e siècle. Et ce massif herbivore, il revient de loin. Et les rhinocéros blancs et noirs, c'est les deux sous-espèces africaines, à cette époque-là, ont quasiment été exterminées. Et aujourd'hui, ben environ entre 70 et 80% de tous les rhinocéros qui vivent dans le monde vivent en Afrique du Sud. Et malgré la présence de réserves, ben comme on vient de le dire, le commerce illégal des cornes, il ne fait qu'augmenter. Mm-hmm. Et malgré des efforts pour la protection de ce symbole africain, le braconnage pour la corne du rhinocéros, qui est exploité là, par la médecine traditionnelle asiatique, a augmenté de façon exponentielle là, depuis les dernières années. Ça a atteint un apogée jamais enregistré même pour 2012. Puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y en a eu 13 qui ont été abattus en 2007. C'est pas tellement énorme. On monte en 2010 à 333, à 448 en 2011 et comme je le disais, à 668 pour l'année dernière. Oui, ça laisse pas beaucoup de chance à cette grosse bête. Hein? Effectivement, parce que là, à ce rythme-là, le nombre de morts par année va dépasser prochainement le nombre de naissances. Et là, l'espèce s'engagerait sur une voie là, de déclin inexorable. Les animaux qui n'ont pas été tués, malheureusement, par l'assaut des braconniers vont subir un sort très funeste. Ils vont mourir quand même, en général, de leurs blessures. Et s'il s'agit d'une femelle et qu'elle a un petit, ben son petit, lui aussi, va mourir peu de temps après parce que sa mère est morte. Mm-hmm. Et récemment, on observe de plus en plus de morts dues à des tirs de fusils de gros calibre. C'est utilisé habituellement par des professionnels de la faune sauvage. Ah, c'est ça qui mettait la puce à l'oreille. Exactement. Là, ouais. Donc, on commence à se douter que c'est des indices qui pointent vers des gens très organisés. On trouve aussi des traces de passage d'hélicoptères. Mm-hmm. Et ça indique, en fait, l'émergence d'un marché qui est alimenté, entre autres, par des agents du secteur corrompu qui sont bien organisés. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que ça explique la grande proportion au parc Kruger là, de braconnage. Et pour tenter d'inverser cette tendance, mais là, il y a plusieurs pistes de solutions là, assez dissuasives qu'on essaie de mettre en place. Il y a certains propriétaires de réserves privées, parce qu'il n'y a pas juste des parcs nationaux, ben eux, ils n'ont malheureusement pas les moyens là, d'entretenir des patrouilles armées comme le parc national Kruger le fait. Eux, ils tentent de décorner par eux-mêmes, leurs animaux. Ça ne doit pas être évident. Ben, on le fait pour les vaches, il me semble. Ouais, peut-être le faire pour les rhinocéros. Je pense qu'un rhinocéros, ça doit être un peu plus compliqué. C'est peut-être moins placide. Oui, effectivement, là, il faut l'endormir et tout ça. C'est difficile et de plus, c'est jamais définitif parce que la corne, elle repousse. C'est les cheveux, c'est comme des ongles. Ah, il faut toujours la retailler. Ben, d'autres se disent, bon, on va injecter des colorants ou voire même des substances toxiques dans les cornes. Ça semble... Des effets secondaires aussi. Oui, mais ça semble pas être assez dissuasif. Là. Mais finalement, ça devient d'où? Parce que si on en tue, braconne de plus en plus, c'est qu'il y a une demande croissante. Donc, tu parles de l'Asie. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Ben, la Chine était autrefois une grande consommatrice de la corne de rhinocéros. Elle réussit assez bien à faire respecter aujourd'hui l'interdiction de vente et de trafic de corne. Donc, ça vient pas de la Chine. D'accord. De nos jours, la demande provient principalement du Vietnam. Mm. Dans ce pays-là, la corne de rhinocéros se consomme en cocktail. Donc, c'est un peu légal. C'est pas comme en Chine. Cette nouvelle mode-là est probablement la raison pour laquelle il y a une recrudescence du braconnage en Afrique du Sud, c'est qu'elle devient de plus en plus populaire. Par exemple, dans les soirées des jeunes Vietnamiens dans les bars branchés, là, le cocktail à la mode, là, c'est celui qui contient de la poudre de rhinocéros, de corne de rhinocéros, pardon. Ouais, ouais. Puis apparemment, ce qui est dommage, là, c'est que ces gens-là qui consomment ça, ben, ils ignorent totalement qu'à des kilomètres de là en Afrique, là, ben, il y a un braconnage intensif qui se fait pour subvenir à ces besoins-là. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle est si populaire en Asie? Parce que, bon, elle a aussi été en Chine déjà auparavant. Oui. Ben, c'est parce que certains croient que la corne de rhinocéros facilite la détoxication du corps, en particulier après avoir ingéré beaucoup d'alcool et d'aliments riches. Ah, donc déjà là, c'est première croyance. Des consommateurs fortunés ont pris l'habitude de verser de la poudre de corne de rhinocéros dans une boisson, dans l'eau ou même dans l'alcool, mm-hmm. et de la consommer comme un remontant ou un remède contre la gueule de bois. De plus, selon les spécialistes de la médecine traditionnelle vietnamienne, bien, la corne de rhinocéros est même utilisée pour prévenir et guérir le cancer. Là, mm-hmm. Ça va loin. Là. Ouais. Et les vendeurs ont des listes d'attente de plusieurs mois. Ah oui. C'est une croyance vraiment ancrée dans la tête des gens. Là. La liste des soi-disant propriétés guérissantes est vraiment longue dans la médecine traditionnelle asiatique. Pourtant, l'appendice nasal du rhinocéros, c'est de la kératine. C'est la même chose que dans les ongles, dans les cheveux. Ouais. Fait que là, vous pouvez vous ronger les ongles sans culpabilité, là, si ça doit. C'est bon pour la santé? Semblerait que si on se fie à ça, ça serait bon pour la santé. Mm. Et donc, cette potion magique qui est faite avec la corne de rhinocéros broyée aurait à peu près autant d'effet que si vous la faisiez avec vos propres cheveux ou avec les poils de votre chien ou de votre chat. C'est marrant, ça n'a pas la même consonance pourtant. Non, c'est moins exotique. C'est pas aussi exotique. Ouais. La corne de rhinocéros, en fait, elle n'a aucune propriété thérapeutique. En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune étude qui le prouve. Et au rythme où va le braconnage, les experts prédisent qu'il y aura probablement plus de rhinocéros en Afrique du Sud dans 40 ans. Mm-hmm. Et avec la croissance économique en Asie qu'on connaît, les gens ont de plus en plus d'argent, donc de plus en plus acheter des soins de médecine qui sont plus chers. Et la croyance en ces vertus-là, surtout contre le cancer, là, ben c'est encore vraiment très en vogue. Oui, c'est assez ancré. Alors, puisque finalement, les mesures dissuasives fonctionnent pas vraiment, là, comme on l'a vu. On le voit. Donc là, c'est là qu'arrivent les mathématiques. Il y aurait des étudiants qui se lanceraient dans un concours pour aider ces rhinocéros. Exactement. On essaie de trouver une solution en lançant un concours de mathématiques. Et c'est la question qu'il aurait posée, c'est... Sachant que le nombre de rhinocéros en liberté en Afrique du Sud avoisine environ les 20 000 têtes, que l'augmentation du braconnage suit une courbe exponentielle et que le prix de la corne au marché noir atteint plus de 50 000 euros le kilo, est-ce que l'élevage intensif de rhinocéros dans des fermes et l'ouverture d'un marché de la corne légal permettrait, de faire suffisamment chuter les prix, là, premièrement, pour décourager ce braconnage-là, et deux, générer assez d'argent pour protéger, justement, les représentants là, sauvages de l'espèce. Ah oui, donc c'est toute une étude de marché, finalement. Pratiquement. Ouais. Et il y a une petite mention en bas de la question, « Lecteurs n'ayant pas la bosse des maths, s'abstenir. » Oui, ceux qui ont la corne des maths. C'est ça, ça prend la corne des maths, je pense. Mais cette question figure parmi les quatre sujets qui est proposé par la prestigieuse université du Witwatersrand, Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Ouais. Et c'est d'ailleurs présentement du 14 au 18 janvier. C'est en cours, ils sont en train de plancher là-dessus. Exactement. Et c'est demandé aux participants du groupe d'études en mathématiques pour l'industrie. Donc, tu disais tantôt, c'est exactement ça. Il y a une raison d'être, c'est vraiment pour ça. Et comme vous vous en doutez, c'est pas une question qui est à la portée du premier venu. Là. Comme tu l'as dit, ça prend la corne des maths. Et en fait, ce groupe-là est un atelier de plusieurs jours durant lesquels des chercheurs universitaires et des étudiants vont travailler en collaboration avec des représentants de l'industrie sur des problèmes de recherche qui sont appliqués à la réalité locale. Donc là, c'est pas un hasard finalement. Non, c'est l'Afrique du Sud. Parce que le parc Kruger est où? En Afrique du Sud aussi? Oui. Oui, c'est ça. Donc le parc est en Afrique du Sud, le braconnage est en Afrique du Sud. C'est et ils proposent hasard, même. C'est ça. C'est organisé depuis plus de 40 ans, ce concours-là. D'habitude, ça a lieu dans plusieurs pays différents, mais ce rendez-vous-là se tient en Afrique du Sud depuis 2004. Donc, l'invitation qui est faite à ses participants de plancher sur un modèle susceptible de sauver les rhinocéros, comme tu l'as dit, ça doit à rien au hasard. Comme on s'en rend vite compte là, avec les chiffres alarmants et les soi-disant vertus curatives que j'ai mentionnées au début de ma chronique. Donc, le gouvernement sud-africain a aussi annoncé le 10 janvier dernier là, que l'année 2012 établissait un record. Le chiffre là, de 668, il est sorti la semaine dernière, en fait. Mm-hmm. Et ça a confirmé là, les inquiétudes qu'on avait parce que déjà, à la moitié de l'année, on était rendu à presque 400. Ouais. Puis on s'alarmait déjà. Ouais. Mais heureusement, le nombre d'arrestations là, liées au braconnage, lui aussi, augmente. Il est passé de 165 arrestations en 2010 à 267 l'année dernière. Donc, ce n'est quand même pas pire. En décembre, les autorités ont annoncé qu'ils offraient des primes, même qui atteignaient jusqu'à 90 000 euros pour essayer d'arrêter ces braconniers-là. Et l'armée a même été déployée dans le parc Kruger. Ah oui, oui. Et le longtemps accusé de ne pas avoir agi, là, malgré des pressions exercées par la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction, le Vietnam a signé avec l'Afrique du Sud le 10 décembre 2012 un accord pour lutter contre le trafic de cornes. Donc, c'est déjà un pas vers une solution. Oui, c'est ça, parce que c'est bien d'agir en Afrique, mais c'est peut-être bien d'agir aussi au Vietnam, à la source. C'est ça, parce que le problème, il vient pas de l'Afrique. Et donc là, si se réfère qu'en termes généraux à la lutte là, contre les contrebandiers, ben celui-ci n'en a pas moins été salué là, par d'ailleurs le WWF, là, qui est le Fonds mondial pour la nature, et l'organisation Trafic. En tout cas, pour résumer, toutes les organisations qui prônent la protection sont quand même à satisfaits que les deux pays aient publiquement signalé leur volonté là, de lutter contre les changements, contre les braconnages qui se fait là, en Afrique du Sud à cause de la demande du Vietnam. Alors, si on en revient aux mathématiciens, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire finalement pour tenter qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver pour répondre à ce problème-là? Bien, dans ce contexte-là, les projections que vont tenter d'établir les mathématiciens qui sont réunis cette semaine, c'est pas anecdotique, comme je le disais. De la même façon que la législation partielle du commerce de l'ivoire, dont le trafic organisé menace là, également les éléphants d'Afrique, il n'y a pas juste les rhinocéros qui sont menacés. Donc, le commerce d'ivoire, il est désormais envisagé d'être contrôlé. Là. Donc là, on se demande si on ne devrait pas faire la même chose pour la corne de rhinocéros. Et de là vient l'idée des animaux d'élevage. Puis là, à supposer que le modèle proposé par les mathématiciens démontre que cette solution permet de faire vraiment diminuer le marché noir et le braconnage, bien là, il va rester à préciser comment le revenu engendré là, par les rhinocéros domestiques, on peut dire, pourrait être employé pour protéger leurs congénères qui vivent dans les parcs naturels. Donc, l'exercice, pour le moment, c'est assez théorique pour l'instant. Mais là, alors qu'il y a un document qui porte sur un mécanisme de prise de décision pour un futur commerce de l'ivoire de l'éléphant d'Afrique, est étudié prochainement à la conférence des parties de la CITES, c'est prévu en mars prochain à Bangkok. Mais là, il n'y a rien de tel qui peut se comparer et qui concerne les rhinocéros. On n'a rien en prévision là-dessus. Là, on se penche sur l'ivoire des éléphants, mais présentement, à cette conférence-là, on ne parlera pas de rhinocéros, malheureusement. La CITES, là, qui est en accord sur ce point avec les organisations environnementales, s'en tient à estimer qu'enrayer la demande de cornes serait vraiment la solution à long terme pour éliminer le braconnage. Comme tu disais, il faut vraiment éliminer le problème à la source. Ça implique notamment d'évaluer les preuves scientifiques disponibles et les faits documentés sur les pratiques et les croyances culturelles traditionnelles. Comme je le disais, il n'y a absolument aucune étude de la littérature scientifique là-dessus, mais est-ce que les gens sont penchés sur la question aussi? Ben, c'est ça. Il faudrait peut-être faire un test avec les petits cocktails qui servent dans les bars. Donc là, on a trouvé jusqu'à maintenant aucune propriété médicinale à la corne de rhinocéros. Donc, il faut espérer que finalement ces mathématiciens parviennent aux conclusions que dans leur étude qu'ils sont en train de faire, que l'élevage de rhinocéros pourrait enrayer ce carnage du braconnage en Afrique du Sud. Oui, évidemment, mais la meilleure solution et probablement aussi la moins coûteuse, ça serait vraiment d'enrayer de la tête des gens ces croyances qui sont assez obsolètes concernant les vertus de la corne de rhinocéros. Et là, je pense que le braconnage pourrait disparaître. Oui, mais d'un autre côté, on peut se dire que tant qu'il y aura de l'argent à faire, surtout à 50 000 dollars... À 50 000 euros le kilo, puis des fois, c'est beaucoup plus que ça. Donc, tant qu'il y aura une grosse somme d'argent à faire comme je te parais qu'il y a des gens qui vont s'évertuer à maintenir cette croyance dans la tête de la population. C'est ce qu'on peut craindre. Malheureusement, Ben, merci beaucoup, Mélanie. C'était effectivement une drôle d'association entre les mathématiques et les rhinocéros. Et puis, maintenant, on va faire une pause publicitaire sur CKRL au 89.1. Et au retour, on vous donne des nouvelles de la couche d'ozone.